Pour glisser ma main dans la boîte où l'on dépose le courrier, une caissette clouée au flanc du comptoir des contrôleurs, je dérange, ce soir vendredi, un beau Mac en casquette, un des types classiques dont le quartier fourmille. Quoique popularisé par l'image, la charge, le théâtre et le café-concert, le barbeau reste fidèle au chandail et à la chemise de couleur sans col, à la casquette, au veston que les mains plongées dans les poches brident flatteusement sur les reins, à la cigarette éteinte et aux muettes pantoufles. Le samedi et le dimanche, ces messieurs emplissent la moitié de notre empire Clichy, bordent la galerie et se fendent de 2,25 francs pour retenir d'avance les sièges de Cannes qui touchent la scène. Ce sont des fidèles, des passionnés, qui dialoguent avec les artistes, les sifflent, les acclament, et savent placer le mot grivois, l'exclamation scatologique qui déchaîne la salle entière. Il arrive que leur succès les grise, et alors cela tourne à l'émeute. D'une galerie à l'autre, on échange en savoureux argot des dialogues étudiés, puis des cris, et les projectiles suivent, précurseurs eux-mêmes de la prompte arrivée des agents. Il est bon que l'artiste en scène attende, le visage neutre et le maintien modeste, la fin de l'orage, s'il ne veut pas voir changer la trajectoire des oranges, des programmes en boule et des petits sous. La simple prudence lui conseille aussi de ne point poursuivre sa chanson interrompue. Mais ce sont là, je le répète, des orages, bref, des escarmouches, réservés au samedi et au dimanche. Le service d'ordre est très bien fait à l'Empire Clichy, où l'on sent la poigne de madame la directrice, la patronne. Brune et vive, couverte de bijoux, la patronne trône, ce soir comme tous les soirs, au contrôle. Ses yeux brillants et agiles voient tout, et les garçons de salle ne se risquent pas à oublier, le matin, la poussière des coins sombres. Il foudroie en ce moment, ses terribles yeux, un authentique costaud et considérable apache venu pour acheter le droit d'occuper, contre la scène, un des meilleurs sièges cannés, ceux du premier rang, ceux où l'on se carre en crapaud, les bras sur le balcon, le menton sur les mains croisées. La patronne le rembarre sans tumulte, mais de quel air de dompteuse. « Rentre tes 45 sous et file !» Le costaud, bras ballant, se balance comme un ours. « Pourquoi ça, madame Barnet? Quoi que j'ai fait? Oui, oui, quoi que j'ai fait, tu crois que je t'ai pas vu samedi dernier? C'est toi qui étais au fauteuil 1 de la galerie, hein? Si on peut dire, c'est toi qui t'es levé pendant le pantomime, hein? Pour dire, elle me montre qu'un nichon, je vais y voir les deux, j'ai payé 2 linvés, un par nichon. » Le costaud, cramoisi, se défend, une main sur le cœur. « Moi? Moi? Voyons, madame Barnet, je sais me tenir, je sais que c'est pas des choses à faire, je vous promets, madame Barnet, que c'est pas moi qui... » La reine de l'Empyrée étant une dextre impitoyable. « Pas de couleur, je t'ai vu, n'est-ce pas? Ça suffit, tu n'auras pas de place avant 8 jours ici. Rende tes 45 sous et que je ne te revoie pas avant samedi ou dimanche prochain. Et file. » La sortie du costaud, consignée pour 8 jours, vaut bien que je perde encore quelques minutes. Il s'en va sur ses feutres silencieux, le dos rond, et ne reprend que sur le trottoir sa gueule insolente. Mais le cœur n'y est pas, l'allure est forcée, et pour un peu de temps, il n'y a pas de différence entre cette bête dangereuse et le gosse qu'on a privé de dessert. Sur l'escalier de fer, en même temps que le souffle montant du calorifère qui sent le plâtre, le charbon et l'ammoniac, m'arrive en bouffée la voix de Jadin. Ah, la petite Rose, elle l'a retrouvé et repris son public de quartier. Il n'y a qu'à entendre là-bas le rire orageux, le grondement dont il l'accompagne et la soutient. C'est contralto, rappeux et chaud, voilé déjà par la noce et peut-être un commencement de phtisie, gagne le cœur par les chemins les plus bas et les plus sûrs. Qu'un directeur avisé et artiste se fourvoie jusqu'ici, qu'il entende Jadin, il s'écriera « Je la prends ». Je la lance, et dans 3 mois, vous verrez ce que j'en fais. Une ratée. orgueilleuse et aigrie, voilà ce qu'il en fera. Les expériences de ce genre n'encouragent guère. Où brillera-t-elle mieux qu'ici, la Jadin mal peignée? La voici sur l'escalier, telle, ma foi, qu'elle est partie, avec sa robe trop longue qu'effrangent ses talons, son fichu Marie-Antoinette, jauni par la fumée de la salle, qui bâille sur une maigreur efflanquée et jeune, son épaule de biais et sa bouche rossarde, sa lèvre relevée dont le duvet garde une moustache de poudre. J'ai un vif et vrai plaisir à la revoir, cet enfant mal embouché. Elle, de son côté, dégringole les dernières marches pour tomber sur moi et me serrer les mains dans ses pattes chaudes. Sa bombe nous a, on ne sait comment, rapprochés. Elle me suit dans ma loge, où je risque un reproche discret. Jadin, c'est dégoûtant, vous savez, on ne lâche pas les gens comme ça. J'ai été voir ma mère, dit Jadin avec un grand sérieux. Mais elle se voit mentir dans la glace, et toute sa figure enfantine se fend de rire, devient large et bridée comme celle des angoras très jeunes. Croyez-vous, hein? On a dû se barber ici sans moi. Elle rayonne d'un confiant orgueil, surprise au fond que l'Empire Clichy n'ait pas, en son absence, fermé les guichets. J'ai pas changé, hein? Oh, les belles fleurs, vous m'excusez? Sa main rapide de chapardeuse, habile à filouter naguère les oranges des étalages, a saisi une grosse rose pourpre, avant que j'aie seulement ouvert la petite enveloppe fichée au flanc d'une grande gerbe de fleurs qui m'attendait debout sur la tablette à maquillage. Maxime Dufferin-Chautel avec ses respectueux hommages. Dufferin-Chautel. Enfin, j'ai retrouvé le nom du grand serin. Depuis l'autre soir, trop paresseuse pour ouvrir un tout Paris, je l'appelle tour à tour Thureau d'Angin, du Jardin Beaumet ou du Guétrouin. J'ose dire que c'est des fleurs, dit Jadin pendant que je me déshabille. C'est de votre ami? Je proteste avec une sincérité inutile. Non, non, c'est quelqu'un qui me remercie pour une soirée. Tant pire, décrète Jadin compétente. C'est des fleurs d'homme bien. Le type avec qui je m'ai cavalé l'autre jour m'en a donné des comme ça. J'éclate de rire. Jadin discourant sur la qualité des fleurs et des types est irrésistible. Elle devient toute rouge sous sa farine de poudre et s'offense. Ah quoi? Vous ne croyez pas que c'était un homme bien, peut-être? Et demandez voir à Canule, chef machiniste que j'ai rapporté comme galette hier au soir, que vous veniez de partir. Combien? 1600 francs, ma chère. Canule les a vus, c'est pas une craque. Ai-je l'air assez pénétré? J'en doute. Et qu'est-ce que vous allez en faire, Jadin? Elle tire, insouciante, sur les fils qui pendent de sa vieille robe blanche et bleue. Pas des conserves, probable. J'ai payé la tournée au machiniste et puis j'ai prêté, qu'elle dit, 50 balles à Myriam pour payer sa pelure. Et puis il y a l'une, il y a l'autre qui rapplique, qui disent qu'elles sont sans un, est-ce que je sais? Tiens, v'là Bouty. Salut Bouty. Salut à la bombeuse. Bouty, ayant constaté courtoisement qu'un kimono couvre mon déshabillé, pousse la porte de ma loge et secoue la main que tend Jadin en répétant « Salut !» avec un geste rogue et une voix tendre. Mais Jadin l'oublie tout de suite et continue, debout derrière moi et s'adressant à mon image dans la glace. « Vous comprenez, ça me fait mal au cœur d'avoir tant d'argent que ça !»« Mais vous allez vous acheter des robes, tout au moins une !» pour remplacer celle-ci. Elle rejette d'un revers de main ses cheveux légers et plats qui se défont en mèches fines. Pensez-vous, cette robe-là peut très bien faire jusqu'à la revue. Qu'est-ce qui dirait de voir que je vais en bas ramasser du pèse pour ramener ici des robes de gommeuse? Elle a raison. Il, c'est son fameux public de quartier, exigeant, jaloux, qu'elle a un peu trompé et qui lui pardonne. Pourvu qu'elle reparaisse devant lui, mal nippée, mal chaussée, fichée comme 4 sous, mais tel qu'avant la fugue, avant la faute. Après une pause, Jadin reprend, très à l'aise, devant le silence gêné de Bouty. « Moi, vous comprenez, je me suis acheté ce que j'avais le plus besoin. Un chapeau et un manchon, avec une écharpe de cou. Mais un chapeau, vous le verrez tout à l'heure. Au revoir, tu restes Bouty, Bouty, je suis riche, tu sais, je te paye ce que tu veux. Très peu pour moi. Merci. » Bouty se révèle singulièrement froid et désapprobateur. Si je disais tout haut qu'il aime Jadin, je me couvrirais de ridicule. Il faut donc me contenter de le penser. Le petit comique s'en va un peu après, et je reste seule avec ma gerbe de rose, une grande gerbe banale, serrée dans une ceinture de ruban vert pâle. C'est bien la gerbe d'un grand serin, tel que mon nouvel amoureux. Avec ses respectueux hommages, j'ai connu depuis 3 ans pas mal d'hommages, si j'ose dire, mais qui n'avaient rien de respectueux. Et mon vieux bourgeoisisme, qui veille, s'épanouit en secret, comme s'il ne demandait pas ces hommages-ci, tout masqués de respect qu'ils veulent être. La même chose, toujours la même chose. Au premier rang des fauteuils d'orchestre, ma myopie ne me défend pas d'apercevoir, raide et sérieux avec ses cheveux noirs qui brillent comme la soie d'un 8 reflets, « Monsieur, tu feras un Chotel cadet. » Heureux de mon regard qu'il a reconnu, il suit de la tête mes mouvements, mes allées et venues sur la scène, comme ma chienne Fossette quand je m'habille pour sortir. Les jours passent. Il n'y a rien de nouveau dans ma vie qu'un homme patient qui me guette. Nous venons de franchir Noël et le 1er janvier. Noël, soirée enfiévrée, a secoué toute la boîte d'un branle-fou. Le public, saoul plus qu'à moitié, a gueulé comme un seul homme. Les avant-scènes pailletées ont jeté vers les secondes galeries des mandarines et des cigares à 25 sous. Jadin, grise depuis le déjeuner, a perdu le fil de sa chanson et dansé en scène une chaloupée terrible, la jupe relevée sur des bas en mailles rompues, une grande mèche de cheveux lui battant le dos. Belle soirée, où notre patronne trônait dans sa loge, supputant la royale recette, l'œil à la verrerie poissée qui chargeait les tablettes clouées au dos des fauteuils. Brague aussi s'était grisé dès le dîner et pétillait d'une fantaisie lubrique de petits boucs noirs. Seul dans sa loge, il a improvisé un extraordinaire monologue d'halluciné qui se défend contre des larves avec des « Oh non, assez, laisse-moi !» des « pas ça, pas ça » ou bien « une fois seulement » des soupirs et des plaintes d'hommes qu'une volupté diabolique supplicie. Quant à Bouty, tout tordu de crampes d'entérite, il sirotait son lait bleuâtre. En guise de réveillon, j'ai mangé le beau raisin de serre que m'avait apporté mon vieil ami Hamon, tête à tête avec Fossette qui croquait des bonbons envoyés par le grand serin. J'ai lutté, me moquant de moi-même, contre une jalousie chagrine d'enfant qu'on a oublié d'inviter. Qu'aurais-je donc voulu ? Souper avec Brague ? Ou avec Hamon ? Ou avec Dufferin Chotel ? Dieu non ! Mais quoi ? Je ne suis ni meilleur ni pire que tout le monde, et il y a des heures où j'aimerais défendre aux autres de s'amuser quand je m'embête. Mes amis, les vrais, les fidèles, comme Hamon, ce sont... La chose vaut que je le remarque, des pas de chance, des irrémédiablement tristes. Est-ce la solidarité du malheur qui nous lie ? Je n'en crois rien. Il me semble plutôt que j'attire et retiens les mélancoliques, les solitaires, voués à la réclusion ou à la vie errante, comme moi, qui se ressemblent. Je remâche ces pensées folâtres en revenant de ma visite à Margot. Margot. C'est la sœur cadette de mon ex-mari. Elle porte lugubrement depuis l'enfance ce petit nom badin qui lui va comme un anneau dans le nez. Elle vit seule et ressemble assez avec ses cheveux grisonnants coupés sous l'oreille, sa chemise à broderie russe et sa longue veste noire à une rose à bonheur qui serait nihiliste. Dépouillée par son mari, tapée par son frère, volée par son avoué, grugée par ses domestiques, Margot s'est embastillée dans une sérénité funèbre, faite de bonté inguérissable et de silencieux mépris. Une vieille habitude d'exploitation fait que l'on continue autour d'elle à écorner ses rentes viagères, et elle laisse faire, prise seulement parfois par des rages subites, et jetant sa cuisinière à la porte pour une carotte, trop flagrante, de 10 francs. « Je veux bien qu'on me vole, crie Margot, mais je veux qu'on y mette des égards. » Puis elle retombe, pour de longs jours, à son universel mépris. Du temps que j'étais mariée, j'ai peu connu Margot, toujours froide, douce et peu loquace. Sa réserve n'a point quitté mes confidences. Seulement, le jour où ma rupture avec Adolphe sembla définitive, elle mit hors de chez elle, poliment, brièvement, mon mari, étonné, et ne le revit plus. Je connus alors que j'avais en Margot une alliée, une amie et un appui, puisque c'est d'elle que me viennent les 15 louis mensuels qui me gardent de la misère. « Prends-les, va, » m'a dit Margot. « Tu ne me fais pas de tort. Ce sont les 10 francs quotidiens que m'a toujours carotté Adolphe. » Ce n'est pas, certes, chez Margot que je trouverai des consolations, ni cette hygiénique gaieté qu'on me recommande comme un régime. Mais au moins, Margot m'aime, à sa manière, à sa découragée et décourageante manière, tout en pronostiquant pour moi la plus fâcheuse fin. « Toi, ma fille, m'a-t-elle dit aujourd'hui encore, tu auras de la veine si tu ne retombes pas dans un beau collage avec un monsieur Jean-Radolphe. T'es faite pour être mangée, comme moi. Je suis bien bonne de te prêcher. Chatte échaudée, tu retourneras à la chaudière, c'est moi qui te le dis. Tu es bien de celle à qui un Adolphe ne suffit pas comme expérience. Mais enfin, Margot, vous êtes extraordinaire. C'est chaque fois le même réquisitoire, lui reprochai-je en riant. Tu es ceci, tu es cela, tu es de celle qui, de celle que. Attendez au moins que j'ai péché, il sera temps de m'en vouloir après. Margot eut un de ces regards qui la font paraître très grande, qui ont l'air de tomber de si haut. « Je ne t'en veux pas, ma fille, je ne t'en voudrais pas davantage quand tu auras péché, comme tu dis. Seulement, tu auras bien de la peine à t'empêcher de commettre la bêtise, puisqu'il n'y en a qu'une, recommencer. J'en sais quelque chose. Et encore, ajoute-t-elle avec un singulier sourire, je n'avais pas de sens, moi. Alors, que faire, Margot? Que blâmez-vous dans ma vie actuelle? Dois-je, comme vous, me cloîtrer dans la crainte d'un malheur pire et n'aimer, comme vous, que les petits terriers brabançons à poils ras ? Garde-t'en bien, s'écria Margot avec une vivacité enfantine. Les petits terriers brabançons, il n'y a pas de rossards comme eux. Voilà une bête, dit-elle en me montrant une petite chienne rousse, pareille à un écureuil tondu. Une bête que j'ai soignée 15 nuits pendant sa bronchite. Quand je me permets de la laisser seule, une heure, à la maison, la petite crapule fait semblant de ne pas me reconnaître et gronde à mes trousses, comme si j'étais un cheminot. Et à part ça, mon enfant, tu vas bien ? Très bien, Margot, merci. La langue, le blanc de l'œil, le pouls. Elle m'a retroussé les paupières, m'a pressé le poignet d'une main assurée, professionnelle, ni plus ni moins qu'un petit brabançon. C'est que nous savons, Margot et moi, le prix de la santé et l'angoisse de la perdre. Vivre seul, on s'en tire, on s'y fait. Mais languir, seule et fiévreuse, tousser dans la nuit interminable, atteindre sur des jarrets défaillants la fenêtre aux vitres battues de pluie, puis revenir à une couche froissée et molle, seule, seule, seule. Durant quelques jours l'an dernier, j'ai connu l'horreur d'être celle qui gît et délire vaguement et redoute en sa demi-lucidité de mourir lentement, loin de tous, oubliée. Depuis, à l'exemple de Margot, je me soigne, je me soucie de mon intestin, de ma gorge, de mon estomac, de ma peau, avec une sévérité un peu maniaque de propriétaire attaché à son bien. Je songe, aujourd'hui, au mot bizarre de Margot. Elle n'avait pas de sens, elle. Et moi? Mes sens. C'est vrai. Il y a bien longtemps, il me semble, que je n'ai songé à eux. La question des sens. Margot a l'air de penser qu'elle importe. La meilleure littérature et la pire aussi tâchent de m'apprendre que toutes les voix se taisent quand celle des sens a parlé. Qu'en faut-il croire ? Bragg m'a dit une fois, d'un ton de médecin, « Ce n'est pas sain, tu sais, ta façon de vivre. » Et il a ajouté, comme Margot, « D'ailleurs, tu y passeras ni plus ni moins que les camarades. Retiens ce que je te dis. » Je n'aime pas songer à cela. Bragg se mêle volontiers de décréter et joue à l'infaillible. Ça ne signifie rien. C'est égal. Je n'aime pas songer à cela. J'assiste au music-hall sans feindre la moindre bégueulerie à des conversations où l'on traite la question des sens avec une précision statistique et chirurgicale, et j'y prends le même intérêt, détaché et respectueux, qu'à lire dans un journal les ravages de la peste en Asie. Je veux bien trembler, mais je préfère rester à demi incrédule. C'est égal. Je n'aime pas beaucoup songer à cela. Et puis, il y a cet homme, le grand serin, qui s'arrange pour vivre dans mon ombre, pour mettre ses pas dans l'empreinte des miens avec une obstination de chien. Je trouve des fleurs dans ma loge. Fossette reçoit une petite auge de nickel pour sa pâtée. Trois minuscules animaux fétiches tiennent salon nez à nez sur ma table à écrire. Un chat d'améthyste, un éléphant en calcédoine, un crapaud de turquoise. Un cercle de jade, vert comme une rainette, serrait les tiges du bouquet de lys verdâtre qu'on me remit le 1er janvier. Dans la rue, je croise trop souvent le même Dufferin Chautel qui me salue avec une surprise si mal imitée. Il me force à me rappeler trop souvent que le désir existe, demi-dieu impérieux, faune lâchée qui gambade autour de l'amour et n'obéit point à l'amour, que je suis seule, saine, jeune encore, et rajeunie par ma longue convalescence morale. Des sens ? Oui, j'en ai. J'en avais, du temps où Adolphe Thiandy daignait s'occuper d'eux. Des sens timides, routiniers, heureux de la caresse habituelle qui les comblait, craintifs de toute recherche ou complication libertine, lents à s'enfiévrer, mais lents à s'éteindre, des sens bien portants, en somme. La trahison, la longue douleur les ont anesthésiés. Jusqu'à quand ? Les jours de gaieté, d'allégresse physique, je m'écris, pour toujours, à me sentir candide, amputée de ce qui faisait de moi une femme comme les autres. Mais il y a aussi des jours lucides où je raisonne durement contre moi-même. Prends garde, veille à toute heure, tous ceux qui t'approchent sont suspects, mais tu n'as pas de pire ennemi que toi-même. Ne chante pas que tu es morte, inhabitée, légère. La bête que tu oublies hiverne et se fortifie d'un long sommeil. Et puis, je perds de rechef la mémoire de ce que je fus, avec la crainte de redevenir vivante. Je ne convoite pas, je ne regrette rien, jusqu'au prochain naufrage de ma confiance, jusqu'à la crise inévitable où je regarde avec terreur s'approcher la tristesse aux douces mains puissantes, guide et compagne de toutes les voluptés.